بأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سنتكلم إن شاء الله اليوم في إثبات المعية. C'est-à-dire aujourd'hui, on va parler de l'affirmation de la ma'iyya, le fait qu'Allah est toujours avec ses créatures. Comment Allah il dit que je suis avec mes créatures, je suis avec les prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire le fait qu'il est avec? Est-ce qu'il les accompagne? Il est à côté d'eux? Est-ce qu'il est au même endroit? On va expliquer ça. Et donc l'auteur Ibn Taymiyyah rahimahullah dans Aqid al-Wasitiyya, c'est après avoir évoqué les preuves de l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les créatures, il évoque directement les preuves de la ma'iyya d'Allah. La ma'iyya, c'est-à-dire ma'a, avec. Allah est avec. Comment ça se fait qu'il est au-dessus du trône, il est au-dessus des cieux, et en même temps, il est avec ses créatures. D'accord? Parce qu'à première vue, la personne peut confondre, elle peut tomber dans une confusion. Il va se dire comment ça se fait qu'Allah il est au-dessus du trône et en même temps il est avec nous. En même temps il était avec Moussa et Haroun et en même temps il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et en même temps il était avec les croyants. Donc finalement, premièrement, on va faire une classification de la ma'iyya. Le fait qu'Allah est avec ses créatures. La ma'iyya, c'est-à-dire ma'a. C'est ma'iyya. Ma'a, avec. Il y a la ma'iyya générale et la ma'iyya particulière. Ma'iyya amma ou ma'iyya khassa. La ma'iyya générale, elle regroupe tout le monde. C'est-à-dire croyant ou non-croyant, bon ou mauvais. C'est-à-dire Allah est avec tout le monde. Bon ou mauvais. Qala ta'ala wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah il a dit, il est avec vous où que vous soyez. Il est avec vous où que vous soyez. C'est ce qu'on appelle la ma'iyya générale. Hein? Ma'iyya amma. Et puis il y a la ma'iyya particulière. Je vais expliquer ça. Ma'iyya amma, ma'iyya khassa. C'est-à-dire ma'iyya particulière. Et cette ma'iyya particulière, elle est soit une ma'iyya particulière liée à une description, qualité précise. Par exemple, qu'Allah il est avec une certaine catégorie des gens. Il est avec des gens qui possèdent certaines qualités. Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans surat Nahl, Inna Allah ma'a alladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun. Certes, Allah est avec ceux qui l'ont craint avec piété et ceux qui sont bienfaisants. Donc Allah, il est avec tout le monde, mais il y a un avec bien particulier. Il est avec les croyants, il est avec ceux qui l'ont craint. Donc ça, on l'appelle ma'iyya particulière liée à une description. C'est ce qu'on appelle ma'iyya khassa muqayyadatun biwasf. Et dans cette ma'iyya particulière, il y a aussi une ma'iyya particulière liée à une personne bien précise. C'est-à-dire, Allah est avec une personne bien précise. Et il l'a évoqué dans le Coran. Par exemple, il est avec Moussa et Haroun. Il est avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. Hein? Dans le Coran, Allah il a dit, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, il yaqulu li sahibihi la tahzan, inna Allah ma'ana. Et qu'il disait à son compagnon, ne t'afflige pas car Allah est avec nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, il est avec nous. Allah est avec nous. C'est-à-dire, il est avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. Donc, ce avec-là, il est bien particulier. Allah est avec, pas avec les autres. Il est avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. C'est un avec bien spécial, ça. D'accord? Allah, il est avec tout le monde. Il cerne tout le monde de connaissances. Il les contrôle. Mais il est avec des gens bien précis. Mais c'est avec, il est bien particulier. D'accord? Il dit, ma'iyyatun khassa muqayyada biwasf wa ma'iyyatun muqayyadatun khassa muqayyadatun bishakhs. Donc il y a différentes catégories de ma'iyya. Donc ça c'est avec Rasoul sallam et Abu Bakr. Et de même dans surat Taha, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Ma'akuma Ma'akuma asma'u wa ara. Je suis avec vous, ô Moïse et ô Haroun. Ne craignez rien, je suis avec vous, j'entends et je vois. Donc Allah, il a un avec général, il est avec tout le monde. Et Allah, en même temps, il a un avec bien particulier, il est avec les croyants. Hein? Il est avec les croyants, avec bien précis, c'est-à-dire en leur donnant la victoire et tout. Et il est avec les croyants et les non-croyants, ça c'est... Et il est avec des gens bien précis comme Moussa wa Haroun et Abu Bakr, le prophète sallam, et Abu Bakr Siddiq. Donc, les ulama disent, est-ce que la ma'iyya, le fait qu'Allah est avec nous, est-ce qu'il est réellement avec nous, ou c'est juste un synonyme de la connaissance d'Allah, de son audience, de sa clairvoyance, sa puissance, son pouvoir ou autres caractéristiques de sa souveraineté. Est-ce que quand Allah il dit « Je suis avec vous, je suis avec tout le monde », est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il est avec, il est réellement avec nous, est-ce qu'il est réellement avec nous, ou c'est juste un synonyme quand il dit « Il est avec nous », ça veut dire qu'il nous cerne de connaissances, qu'il est audient, qu'il est clairvoyant, et qu'il est puissant, et qu'on ne peut pas échapper à son royaume, et qu'on ne peut pas échapper à sa vigilance. Est-ce que c'est ça ou est-ce qu'il est réellement avec nous? هل المعية حقيقية أو هي كناية عن علم الله عز وجل وسمعه وبصره وقدرته وسلطانه وغير ذلك من معاني ربوبيته. Mais le choix d'Ibn Taymiyyah rahimahullah, Ibn Taymiyyah il dit dans son livre, dans l'Wasatiyya, de même dans le Hamawiyya, il dit qu'il est réel, il est réellement avec nous. Et je vais expliquer comment le fait qu'il est réellement avec nous, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de son trône, au-dessus des cieux, et en même temps il est avec nous réellement. C'est pas seulement un synonyme de clairvoyance, c'est pas seulement un synonyme de royauté ou de toute particulière, de toute caractéristique de souveraineté. Donc finalement il est réellement avec nous, et on va encore donner les raisons, parce qu'il n'y a finalement pas de contradiction entre le fait qu'Allah est avec nous et Allah est au-dessus des trônes, d'accord? Là, je vais bien clarifier, d'accord? Ce que j'ai commencé, j'ai dit ce qui est en gros, là je vais expliciter. Pour les raisons suivantes, c'est que Allah les a réunis le fait qu'il est au-dessus des trônes et le fait qu'il est avec nous dans le Coran. Et Allah ne réunit jamais entre deux choses contradictoires. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Ne médite pas le Coran, et si ce Coran-là ou si ce livre-là ne provient pas d'Allah, ils vont trouver des contradictions manifestes, ils vont trouver beaucoup de contradictions. Mais puisqu'il provient d'Allah, il n'y a pas de contradiction dans la parole d'Allah. Allah, il a dit, il est au-dessus du trône et il est avec vous. Donc Allah, il ne réunit pas entre deux choses contradictoires. Plus que ça, il les a réunis dans un même verset. Un seul verset, il a réuni tout ça. Écoutez bien, je vais lire en arabe. قال تعالى في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. Et s'est élevé sur le trône. Et on dit le fait de s'élever, si ouais, Allah, c'est quoi? C'est un attribut de quoi? C'est un attribut de l'acte lié à quoi? À sa volonté. Il a voulu s'élever et puis il s'est élevé, subhanahu wa ta'ala. Summa, hein? Summa. Harfu arf, yufidu tartib wa tarakhi. C'est-à-dire, il a créé les cieux et la terre en six jours. Puis, il s'est élevé sur le trône après l'avoir créé. في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. إلى غير le fait qu'il est au-dessus du trône, le fait qu'il s'est élevé sur le trône, et en même temps le fait qu'il est avec nous. Traduction, c'est lui qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis il s'est établi ou s'est élevé sur le trône. Il sait ce qui pénètre dans la terre, et ce qui en sort, et ce qui descend du ciel, et ce qui y monte, et il est avec vous où que vous soyez, et Allah observe parfaitement ce que vous faites. Donc il a réuni entre deux choses et Allah ne réunit jamais entre deux choses contradictoires. D'accord? C'est clair. On ne réunit pas, on ne dit pas Monsieur Zayd, il est mort, et puis à la fin de la phrase, on dit Monsieur Zayd, il est vivant. Hein? Allah, il a dit, il est au-dessus du trône, et puis en même temps, il a dit qu'il est avec vous. On va encore expliciter. Donc, il a réuni entre ces deux attributs dans un même verset, et donc on peut, si c'était deux choses contradictoires, Allah, la réunion entre deux choses contradictoires est impossible. Et donc, c'est bien, il est avec nous et en même temps, il est au-dessus du trône. Et pour plus de détails, il n'y a pas finalement, même à l'origine, il n'y a pas de contradiction entre le fait qu'Allah, il est au-dessus du trône et qu'il est avec nous, parce que dans le monde des créatures, il y a des choses qui sont au-dessus de nous, mais elles sont avec nous. Et Ibn Taymiyyah, il a donné un exemple frappant. Il a dit, « Bel il qamaru ayatun min ayatillah, min asghari makhlouqatih, wa huwa mawdou'an fi s-sama, wa huwa ma'a al-musafir wa ghayr al-musafir, aina ma kan. » La lune, c'est pas la lune, tout le monde regarde la lune. La lune est un des signes, ayat, un signe d'Allah, l'une des créatures les plus petites. Elle a été mise dans le ciel, mais elle se trouve avec tout homme, voyageur ou non, où qu'il soit. La lune, elle est au-dessus ou elle n'est pas au-dessus de nous? Elle est au-dessus de nous. Elle est avec nous. Tu pars, tu prends l'avion, tu prends le train, quand tu regardes, tu es toujours avec la lune. Hein? Tu es dans la montagne, un poète, et puis il décrit la lune, et il regarde la beauté de la lune, et elle est avec lui. L'autre, il marche, mais Zilna Nasir. Les Arabes, ils le disent ou ils ne le disent pas? Ils le disent, on est en train de marcher, la lune est avec nous. Donc, il n'y a pas de contradiction contre le fait qu'il est au-dessus et en même temps avec nous. D'accord? Et je vais encore, c'est-à-dire, plus on avance, plus on éclaircit. وهذا مثل ضربه المؤلف تقريبا للمعنى وتحقيقا لصحة كون الشيء مع الإنسان حقيقة مع تباعد ما بينهما. نعم. فإذا كان هذا هو المخطأ si ça concerne la créature, alors qu'en est-il du créateur? Puisque ça peut se réaliser entre les créatures, on peut dire d'une créature qu'elle est au-dessus et en même temps avec nous, alors qu'en est-il du créateur? D'accord? Donc c'est des détails que donne l'auteur, Ibn Taymiyyah rahimahullah, et d'autres ulama, pour nous clarifier la chose, pour nous rapprocher la chose à notre cerveau, à notre petit cerveau qui, des fois, il n'arrive pas à concevoir des choses concernant les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, même supposons que c'est impossible et qu'il s'avère impossible concernant les créatures, il n'est jamais impossible concernant Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il a dit « Laysa kamithlihi shay', nul ne ressemble à lui » et les deux attributs, ils peuvent coexister chez Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut s'attribuer les deux attributs, le fait qu'il est avec nous et qu'il est au-dessus du trône. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, Allahumma anta sahibu fi safari wal khalifatu fil ahl. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, tu es mon compagnon dans le voyage et tu es mon remplaçant dans ma famille. C'est-à-dire, en même temps, Allah, il est son compagnon dans le voyage et en même temps, il garde sa famille et il est son remplaçant. Donc, ces deux attributs appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Une personne, tu ne peux pas dire à une personne, tu vas être mon compagnon, on va voyager, on va aller en Arabie Saoudite, et en même temps, tu vas me remplacer dans ma famille. Il est impossible. Concernant l'être humain, concernant la création. Mais le professeur Hassan, il a dit ça en attribuant à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il est son compagnon et il est en même temps son remplaçant. Et donc, sincèrement, quand tout le monde lit le Coran, quand tout le monde lit la Fatiha, quand par exemple il dit dans un hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand son esclave il dit Alhamdulillah, il dit quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, Hamadani Abdi. Ah, il a dit. Quand la personne il dit la Fatiha, Alhamdulillah, c'est quoi on a en français? Louange à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit mon esclave, il m'a loué. Hein? Dans un hadith, quand une personne il dit Alhamdulillah, louange à Allah, il a dit mon esclave m'a loué, c'est ça. Donc, plusieurs personnes, des millions de musulmans, ils font la prière en même temps, ou à des heures différentes, ils disent chacun, il dit Alhamdulillah, et Allah, il répond à chacun. Concernant la créature, non. Mais concernant Allah subhanahu wa ta'ala, il peut répondre à chacun. En même temps, il peut répondre à des millions. En même temps, il peut répondre à celui-là, à celui-là, à celui-là, à celui-là. D'accord? Parce que les choses ne se confondent pas. Nous, quand deux personnes elles parlent, c'est brouillé. Quand celui-là il parle, celui-là il parle, celui-là il parle, il donne trois questions différentes en même temps, tu dis attendez. Chacun ça. Ben Allah subhanahu wa ta'ala, la takhtalifu alayhi al-masa'il. Laysa ka mithli shay. Nul ne ressemble à lui subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc c'est clair. Si même plusieurs personnes invoquent Allah, il peut répondre et il donne à chacun en même temps. Et il va récompenser les gens, et il va juger les gens en même temps, le jour du jugement. D'accord? Parce qu'il n'obéit pas au temps, il n'obéit pas aux normes qui on obéit, nous, auxquelles on obéit nous. Et comment? As-su'al anhu bid'a. Le fait de demander comment Allah a fait ça, comment Allah a fait ça, le fait de demander comment, c'est une innovation. Donc là, on va répondre aux ambiguïtés à ceux qui disent que le fait qu'Allah est avec nous signifie qu'il est mêlé à nous, il est mélangé à nous, il est dans le même endroit que les créatures. Maintenant, on va répondre aux ambiguïtés des sectes qui propagent ces ambiguïtés, qui disent que le fait qu'Allah il est avec nous, lui-même il est avec nous, dans l'endroit où on est. Hein? Ça? C'est un attribut d'imperfection, on ne peut pas l'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il est au-dessus du trône et il est en même temps avec nous, c'est clair ça. Chez les Arabes et tout, comme on donnait l'exemple de la lune, etc. D'accord? Et donc ceux qui disent qu'il est avec nous, dans le même endroit, ils mettent Allah subhanahu wa ta'ala par terre avec eux. On va répondre à ces ambiguïtés une à une. Donc, ambiguïté de ceux qui disent que le fait qu'Allah est avec nous signifie qu'Allah est mêlé à nous, c'est-à-dire il est mélangé avec ses créatures dans le même endroit que les créatures. Donc, ils ont dit finalement, le fait qu'Allah il dit dans Surat al-Hadid, wa huwa ma'akum aynama kuntum, il est avec vous là où vous soyez. Et s'il était avec nous, ça veut dire, nous, on ne peut pas comprendre que le fait qu'il est mêlé à nous, qu'il est mélangé à nous. D'accord? On va répondre à ça. On dit déjà, le fait d'expliquer qu'Allah est avec nous dans l'endroit où on est, le début du verset déjà va contredire la fin du verset, parce qu'Allah il s'est dit qu'il est lui-même au-dessus du trône. D'accord? Et si quelqu'un il dit non, il est avec moi là où je suis, il est là, c'est que la parole d'Allah elle se contredit. Allah il a confirmé par plusieurs preuves dans le Coran, de la Sunna, qu'il est au-dessus. La preuve c'est clair, à l'unanimité des gens, quand ils font dua, ils lèvent la main comme ça. Il est à côté de toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire comme ça. Allah il a dit, quand on fait dua, on lève la main. D'accord? Ça veut dire qu'il est au-dessus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a désigné deux doigts. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus. Et quand, dans Khutbat al-Wada', il a dit, Allahumma fashad. Est-ce que j'ai transmis le message? Quand il a dit à des milliers de compagnons au pèlerinage, il a levé du doigt le ciel. Et il a dit, Allah, sois témoin. Ça veut dire qu'Allah, il est au-dessus. Il est au-dessus des cieux. D'accord? Il a montré du doigt. Et il a dit à l'esclave, pour la franchir, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, où est Allah? Elle a dit, il est aux cieux. Il a dit, qui suis-je? Elle a répondu, tu es le prophète, le messager d'Allah. Et il a dit à celui qui est le propriétaire de cet esclave, il lui a dit, affranchis-la. C'est une croyante. Hadith sahih, rapporté par l'imam muslim, rahimahullah. Donc il est au-dessus, c'est clair. D'accord? Si quelqu'un dit qu'il est mélangé à nous, ça veut dire que le verset dans le sourate du Hadith qu'on a évoqué tout à l'heure, les paroles se contredisent. D'accord? Deuxième chose, le fait de dire que la ma'iyya ne signifie que le mélange ou la compagnie dans le même endroit où on est, ceci est faux. Ceci est faux parce que dans la langue arabe, ça peut être avec moi, ça peut être mélangé, ou ça peut être en ma compagnie, ou ça peut être ni mélangé, ni en ma compagnie, mais loin de moi. Ou, par exemple, si je donne un exemple, on dit al-ma'u ma'a al-laban, usquni ma'an, usquni labanan ma'a ma', c'est-à-dire donnez-moi du lait avec de l'eau. Là, c'est le mélange. Le mélange. Avec, c'est un mélange. Et on peut dire, cette personne est partie à voyager avec cette personne. Ça, ça signifie quoi? Le musahaba. Imma al-ikhtilat ma'a. Yuqsadu bi'a imma al-ikhtilat, le mélange. On dit par exemple le jus d'orange mélangé avec عصير عصير البرتقال أو عصير البرتقال مع عصير عصير عصير ليمون أو عصير فاكهة أخرى مع ça veut dire mélanger ماء مع لبن l'eau avec le lait ça veut dire que c'est un mélange avec ça peut désigner un mélange comme ça peut désigner une compagnie je suis parti j'ai fait une promenade avec telle personne ça veut dire compagnie. D'accord. Et ça peut être aussi que tu dis je suis avec une personne, mais ça ne veut pas dire que tu l'as accompagné, mais juste parce que tu es avec lui, tu l'assures et tout. Comme par exemple, on dit par exemple هذا الرجل ومعه امرأته أو اذهبوا فإني معكم أن يمير dans le combat. Des fois il envoie une troupe, ils disent partez, c'est-à-dire montez dans cette montagne, je suis avec vous, alors qu'il n'est pas avec eux réellement, alors qu'il n'est pas avec eux en compagnie, il est avec eux, c'est-à-dire par le soutien et tout, mais ça n'est pas qu'il n'est pas avec eux, d'accord? Il est, par exemple, dans un combat, un commandant, il a des jumelles et tout, il regarde l'ennemi et tout, et puis il envoie ses troupes. Il dit, partez, je suis avec vous. Il est avec eux. Mais il les accompagne pas côte à côte, il ne se tient pas à la main. Comme l'exemple qu'on a dit tout à l'heure, la lune est avec nous, mais je ne tiens pas la lune avec la main et je marche. Je marche avec elle. Pourtant, les Arabes, ils le disent. C'est vrai, c'est un peu délicat ce sujet. Mais la troisième, c'est-à-dire le fait d'expliquer qu'Allah est avec nous, c'est-à-dire mélangé avec nous, ça, il n'est pas obligatoire dans la langue arabe. Hein, d'accord? Troisième chose, et ça, c'est ça qui casse les adeptes du monisme et les soufis qui disent qu'Allah il est mélangé à ses créatures, avec cette explication, qu'est-ce qu'ils font? Ils attribuent à Allah la pire des imperfections. Parce que tu le fais, tu lui dis qu'il est avec toi partout, ben tu le... Subhanallah, alors que dans les toilettes, dans les endroits impurs, tu mets Allah subhanahu wa ta'ala, tu dis que le fait qu'il est avec toi, il est dans l'endroit où tu es, il est mélangé à toi, tu t'es confondu à lui, parce qu'il y en a, il y a des gens qui disent qu'Allah il est rentré en eux, carrément. Hada wa naqs, wa hada batin, Allah al-afiyah. Tu te rends compte? Même un roi de terre, hein, qui ne vaut rien du tout. Un roi, il a un royaume. Tu n'oses pas dire que tu lui dire que tu étais aux toilettes. Tu peux dire à un tel président, hein, tu venais des toilettes? Tu oses le dire? Pas le dire. Tu oses le dire à un roi? Alors ça, il attribue à leur propre créateur. Il attribue, il dit Allah, il est avec nous, il est partout. Et c'est pour ça qu'il faut éviter ce terme-là. Hein? Beaucoup de gens l'utilisent. Aïn Allah fi kulli makan, hakda karma subhanallah. Ta'ala Allah amma yasifun. C'est-à-dire ils mettent Allah dans des endroits alors que subhanallah dans les toilettes, dans des endroits impurs. Si ça on ne peut pas l'attribuer à un roi sur terre qui va vraiment aux toilettes, on ne peut pas lui dire Monsieur le Président est allé aux toilettes, on a honte de le dire, qu'en est-il d'Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre. Subhanallah. Il est au-dessus. Et donc Ibn Taymiyyah aussi dans le Sawar Safiyyah, dans l'Aqid al-Wasatiyyah, il a dit, j'ai pris certaines de ses phrases, il a dit, il ne faut pas comprendre par cette expression Allah est avec vous, qu'Allah est mêlé, c'est-à-dire mortalet, à ces créatures. Une telle interprétation n'est pas imposée par la langue arabe. Ibn Taymiyyah est un grand connaisseur de la langue arabe déjà. Elle est d'autre part contraire à l'unanimité du salaf de la communauté et elle est aussi contraire aux lumières naturelles de la raison. Le fait là. Par prime nature, quelqu'un, il lui réfine de dire qu'Allah, il est partout. Par prime nature, il refuse. Qu'Allah, subhanallah, elle est aussi contraire aux lumières naturelles de la raison, fitra, qu'Allah a déposé dans l'homme, le fitra, c'est-à-dire le fait de naître avec ses croyances, c'est-à-dire le fait de naître musulman. Et donc, quatrièmement, pour le répondre aussi, le fait de dire qu'Allah, il est partout, ça veut dire qu'il peut rentrer dans l'être humain lui-même. Et ça pousse vers quoi? Vers Wahdat al-Wujud, vers le monisme d'Ibn Arabi et de toute sa clique, qatalahumullah. Une parole consiste à dire qu'Allah se confond à ses créatures. Il se confond. Donc tout endroit dans les créatures, Allah est, c'est-à-dire, est dedans. Et ceci pousse directement, bien entendu, au monisme, hein, Wahdat al-Wujud. C'est pour ça qu'il se vante. Il se vante avec des poèmes. Je donne un exemple de poèmes qui font trembler. Malkalbu wal khinziru illa ilahuna wa mallahu illa abidun fil kanisati. Le chien et le cochon ne sont que notre adoré. Et Allah n'est qu'un esclave dans une église. Une parole pareille, ça sort de certains sectes qui se prétendent être musulmans. العبد رب والرب عبد يا ليت شعري من المكلف le seigneur c'est un esclave et l'esclave c'est un seigneur. Je ne sais pas qui est le responsable. En compte وحدة الوجود où est-ce qu'il y a إلا الله. Donc et c'est pour ça que certains extrémistes du soufi il n'a pas de preuve pour excommunier Pharaon. Il ne peut pas l'excommunier. Et donc, même dans certains livres de l'exégèse d'Ibn Arabi, il a dit quoi? Il a dit, Pharaon, quand il a dit, je suis votre Seigneur, le Très-Haut, il avait raison. Parce que Allah, il s'est confondu à lui, et il s'est donné de la lumière dans son cœur, et il a connu la vérité. Ben, il a dit aux sorciers, je vais vous tuer. Ils ont dit, taqdima anta qadim, innaka taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya fi sarata. Fais ce que tu veux, maintenant on reconnaît que tu es notre Seigneur. Tu te confonds une exégèse pareille. C'est comme ça qu'il est la déviation quand on dévie dans le dogme. Où est-ce que ça mène? Et la danse, les derviches tournent, ce qui a cassé l'Empire ottoman et l'Andalus, c'est ça. C'est ces adeptes-là qui ont tout cassé. Subhanallah. Attribue à Allah. Allah, il ne donne pas la victoire à des gens comme ça. C'est quoi ça? Il commence à l'ésotérisme et l'extase, et puis après il atteint un degré où il dit quoi? Subhani, subhani, gloire à moi, gloire à moi. Pourquoi? Parce qu'il dit, ça y est, Allah il est rentré en moi et... Subhanallah. Il y a beaucoup de poèmes d'Ibn Arabi qui font trembler. لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن أدين بدين الحب أنا توجهت ركائبه فالحب ديني وإيمان. الذي أظن je reniais mon compagnon quand il a embrassé une religion qui n'est pas la même que la mienne. Maintenant, j'ai pris la religion qu'il a prise, lui. Et mon cœur est devenu, il accepte toute forme, toute image, y compris une maison où il y a des statues, y compris une Kaaba où il y a des gens qui tournent autour, y compris des alouah, c'est-à-dire des alouah au Torah, des tables de la Torah, y compris un Coran, y compris une maison ou un oratoire où il y a des rabbins, j'adopte la religion de l'amour, où est-ce qu'elle m'emmène? C'est l'amour qui est ma religion et qui est ma croyance. C'est ça le monoïsme. Il mène vers quoi? Vers le kofr. Wa akada kaffarahu al-ilm qatibatan. Ibn Arabi wa al-Hallaj. Bien sûr, quand on s'éloigne de la religion, on s'allie avec les ennemis d'Allah Et il y a beaucoup de ulama de façon qui parlent de que le fait qu'Allah il est avec nous, il est réellement avec nous, comme et c'est un attribut qui est de toute perfection, qui confirme qu'il est au-dessus du trône et qu'il est avec nous réellement, mais pas dans l'endroit où, ni, comme disent certains sectes égarés, qu'Allah a dévié leur. Bidatié n'utilise pas ce terme parce que les savants ont mis en garde les gens contre cette parole. Donc toutes les expressions dont Allah se sert pour nous faire savoir qu'il est au-dessus du trône et qu'il est avec nous expriment une vérité qui doit être prise au sens propre et ne doivent pas être détournées, tahrib, de leur sens, mais elles doivent au contraire être protégées contre toutes les opinions erronées, y compris le fait de considérer qu'il est lui-même avec nous. Ainsi, soutenir qu'Allah est dans le ciel signifie au sens littéral que le ciel le porte et l'embrasse, c'est une croyance fausse. Hein? Bien sûr. Le fait de dire Allah tisana, il dit qu'Allah il est dans. Non, il n'est pas dans le ciel. Tout le fait comme il dit qu'Allah il est avec nous, non, c'est pas qu'il est dans l'endroit où on est. Parce qu'il est élevé, subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est lui qui retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas, c'est lui qui retient le ciel de tomber sur la terre, et par ces signes, le ciel et la terre sont maintenus par son ordre, subhanahu wa ta'ala. Donc il est au-dessus. Il est au-dessus qu'on lui attribue ça, qu'on le met dans des endroits impurs et qu'on dit qu'il rentre ou qu'il se confond à l'être humain. Les versets de Na'iya, Ayatul Na'iya. Ayatul Ma'iyah, de toute façon, le fait qu'Allah est avec nous, il y a beaucoup de versets qui évoquent Allah est avec nous, y compris le verset de la surat al-Hadid, le verset de surat al-Mujadala, « Wa ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, wa la khamsatin illa huwa sadisuhum, wa la adna min zalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu, thumma yunabbi'uhum bima amilu yawma al-qiyamah, inna Allah bi kulli shay'in alim. » Pas de conversation secrète entre trois sans qu'il ne soit leur quatrième. Ni entre cinq sans qu'il ne soit leur sixième. Ni moins, ni plus que cela sans qu'il ne soit avec eux, là où ils se trouvent ensuite, et les informera au jour de la résurrection de ce qu'ils faisaient, car Allah est omniscient. Donc, pas de conversation secrète entre trois sans qu'il ne soit leur quatrième. D'accord ? Trois personnes qui parlent la voix douce, Allah il écoute. لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا. Allah il a entendu la femme qui est venue voir le prophète صلى الله عليه وسلم et qui s'est plaint au prophète صلى الله عليه وسلم à cause de son mari. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a entendu qu'il a dit la femme au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il est au-dessus des cieux. Ça veut dire qu'il est quand trois personnes il parle, même il parle à basse voix, il est avec eux, d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'il est avec eux dans l'endroit où ils sont, d'accord. Il est au-dessus du trône, mais il est avec eux, il est plus proche d'eux, d'accord. Ça se peut c'est réalisable même chez les êtres c'est les humains, hein. Il se peut que trois personnes ils parlent à basse voix, et puis il y a un et qui a des centaines de kilomètres, il peut écouter ce qu'il dit, il peut entendre ce qu'ils disent. Un simple micro, il peut entendre ce qu'ils disent. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit trois personnes, s'il y a conversation secrète, il est le quatrième, entre cinq, il est le sixième, plus il est avec eux, moins il est avec eux. Et donc ça pousse à la personne de s'éloigner des péchés, de se rapprocher de lui, parce qu'il est avec lui, il connaît et l'entend. L'autre verset aussi, ne t'afflige, quand le prophète sallam, dans surat Tawba, le prophète sallam, il a dit, « Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladhina kafaru, thaniya thnayni idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi, La tahzan inna Allah ma'ana. Dans Sourat Tawba. Dans Sourat Tawba, l'aïe 40. Cherchez la traduction. Non. Si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a déjà secouru lorsque ceux qui avaient mépris l'avaient banni, deuxième des deux, quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon, ne t'afflige pas car Allah est avec nous. Allah put alors descendre sur lui sa sérénité, c'est-à-dire sa sakina, et le soutien de soldats anges que vous ne voyez pas, de soldats. Il abaissa ainsi la parole des mécréants, tandis que la parole d'Allah eut le dessus. Et Allah est puissant et sage. Hein? Parlant de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de Abu Bakr quand ils étaient dans la grotte. Ils étaient dans la grotte pendant, quand ils ont fait le voyage, ils ont immigré vers Médine. Hein? D'accord? Ils étaient cachés dans la grotte, puis les kuffars, ils se sont rapprochés de la grotte. Jusqu'au point où Abu Bakr radiallahu anhu dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si l'un d'eux regarde à côté de ses pieds, il va nous voir. D'accord? Vous connaissez l'histoire? Et l'histoire que l'araignée, il a tissé l'étoile. Attention, cette histoire, il n'a pas été authentifié par les ulama. Le fait que l'araignée, il a tissé la toile autour de la grotte. Pourtant, il était... Et la tourterelle aussi à côté et tout, cette histoire-là, elle n'est pas authentique. Les ulama de hadith, ils n'ont pas authentifié la preuve. De toute façon, les ulama, comme Cheikh Al-Uthaymin, Hafdaullah, comme Cheikh Al-Albani, ils ont dit que ce n'est pas une histoire authentique. Même Al-Uthaymin, il l'a renié carrément. Enfin, il a dit, je ne sais pas où ils ont ramené. Mais ils ont trouvé d'où est-ce qu'ils ont. Le livre où on peut trouver ça, Al-Haytami, Al-Hafiz Al-Haytami, fi Mujma' Al-Zawa'id. Cette histoire, on la trouve dans un livre qui s'appelle Mujma' Al-Zawa'id, Al-Hafiz Al-Haytami, c'est un grand savant, dans le volume numéro 6, page 53, ou Aïdan Al-Bazar, ou Al-Tabarani, c'est aussi des ulama. Mais dans la chaîne de transmission, de l'histoire, des gens qui ont rapporté ce hadith, cette histoire-là, il y a des gens anonymes. Hein? Qala wa fihi, qala wa fihi jama'atun la a'rifuhum. Les ulama du hadith, ils ont dit que dans la chaîne de transmission, il y a des gens qu'on ne connaît pas, et donc ils n'ont pas authentifié ce hadith-là. Et Cheikh Al-Bani Hafidhahullah, il a dit que le hadith, il est da'if, et il est évoqué dans le silsilat al-hadith da'if. Le hadith, il n'est pas authentique, donc on ne peut pas. On ne peut pas dire que l'histoire elle est authentique. Dans un autre verset, dans Sourat Taha, Inni ma'akuma asma'u wa ara, Allah subhanahu wa ta'ala il a dit à Moussa wa Haran, je suis avec vous, j'entends et je vois. Et dans Sourat aussi, dans Sourat Nahl, Inna Allah ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun, Inna Allah Allah est avec les gens qui le craignent avec piété et les gens qui sont bienfaisants. Et dans Sourate aussi l'Anfal, wasbiru inna Allah ma'a sabirin, et patientez, soyez endurants. Allah est avec les gens endurants. C'est une ma'iyya quoi? On appelle ça quoi? Ma'iyya particulière. C'est, il est avec les gens endurants. D'accord? Ceux qui souffrent, ceux qui résistent dans le jihad, Allah est avec eux. Comme fi'atin qalilatin ghalabat fi'atin kathiratin bi'iznillah, wallahu ma'a sabirin. Allah est avec les endurants. D'accord? Donc, Allah est avec tout le monde parce qu'il est clairvoyant, parce qu'il est cerne de connaissances, parce que personne n'échappe à lui. Et Allah, il est avec une catégorie de gens en leur donnant la victoire. C'est-à-dire, quand il y a un combat, par exemple, Badr, la bataille de Badr, il y avait les mécréants d'un côté, avec Abu Jahl, Abu Lahab et Abu Sufyan, hein, avant qu'ils soient convertis, et il y avait le groupe où il y avait le prophète et les 313 ou 314 qui étaient avec lui. donc les musulmans contre les mécréants. Allah est avec tout le monde. Il est avec tout le monde tout en étant au-dessus de son trône. Mais il est avec les musulmans en leur donnant la victoire, en leur soutenant. Donc c'est un avec bien particulier. Il a un avec général et un avec bien particulier. Ma'iyya amma li khalqi wa ma'iyya khassa lil muslimin wal ladina yujahiduna fi sabili ma'iyya khassa muqtabaha at-ta'yid wan nasr. C'est-à-dire il est avec eux en les soutenant, d'accord? Vous avez compris? C'est-à-dire un groupe de gens comme ça, et puis il y a un qui a un pouvoir et tout. Tous ils sont à côté de lui. Et puis il a dit à une personne parmi tout le groupe, je suis avec toi. Ça veut dire quoi? Je suis avec tout le monde. Quelqu'un peut nier que je suis avec tout le monde? Si on extrapole la même... Quelqu'un peut nier que je suis avec tout le monde? Je suis avec vous. Mais je dis, par exemple, Kamel, je suis avec toi. C'est une ma'iyya khassa, elle est spéciale, c'est un soutien entre moi et lui. Mais je suis avec tout le monde. Mais avec lui particulièrement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était avec Abu Bakr dans la grotte, là, Allah, il était avec eux spécialement. Mais en même temps, il était avec tout le monde. Vous avez compris, vous avez touché le sens. Il faut toucher le sens pour... Mais il y a aussi un hadith, il a été évoqué aussi dans l'Aqid al-Wasatiyya, dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبسقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه » حديث ابن عمر وهو في الصحيحين. يا حديث là, quand l'un d'entre vous se rend à la prière qu'il ne crache pas devant lui, car Allah est devant lui, qu'il ne crache pas non plus à sa droite, mais qu'il le fasse à sa gauche ou sous ses pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne doit pas cracher devant lui parce qu'Allah est devant lui. Mais il doit cracher soit à sa gauche ou entre ses pas. Donc, à droite, à droite, c'est parce que là, il a un privilège à droite. Hein? أما من أتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابيه. دونك اليمين, وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب سميته التيمن في كل شيء, في تناعله وفي كل شيء. كما سيخبرتي فقع عائشة رضي الله عنها, الرسول صلى الله عليه وسلم يفتح toujours chaque chose avec la main droite. دونك الحديث dit qu'il ne faut pas qu'il crache du côté droit parce que le côté droit il a un privilège par rapport au gauche. Mais il ne crache pas devant lui. Quoi? Parce qu'il dit Allah qabala wajh. Comment ça se fait qu'il est? Il est dans l'endroit où il est devant lui. Non, il n'est pas devant, il est dans le même endroit, disons. C'est-à-dire, il est même dans le même espace. C'est ça? Je veux dire, la même dimension, espace, quoi, non, si vous voulez. Quoi. Le même espace, il est avec lui. Parce que quand. On fait la prière, on se dirige vers la Qibla, on ne doit pas cracher devant. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le hadith, il est évoqué qu'il est devant, mais tout en étant au-dessus de son trône. Déjà parce qu'on se base toujours sur la règle, quand Allah s'est attribué deux choses, il ne s'est pas attribué deux choses qui sont contradictoires, et si ça, c'est pas. Si ça, c'est pas réalisable sur les créatures, il est réalisable concernant Allah, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit ça. Et donc, la personne qui crache devant lui, il dit, il ne peut pas cracher devant toi parce que c'est Allah devant toi. Mais Allah, il est au-dessus du trône. Mais on peut donner un exemple. Le coucher de soleil, même le soleil quand il se couche, il est devant toi. Il est devant toi. Mais il est toujours au-dessus, normalement. Il est au-dessus. Hein? Il est dans le ciel et le ciel, il est sur la terre. Hein? Il est sur la terre. Beaucoup de versets parlent de ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il retient le ciel de tomber sur la terre, sauf quand il le permettra. Hein? C'est clair. Il est dans Surat Al-Anbiya. Il retient le ciel de tomber sur la terre. Le ciel, il est au-dessus de la terre. D'accord? Le soleil, il est dans le ciel, quoi. Et puis, bon, au coucher de soleil, il est devant toi. Bon, Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus des cieux, mais en même temps, il dit, il est devant toi. Donc, il faut normalement tous les attributs qu'il s'est attribué à Allah, à lui-même, il faut les prendre comme ils sont. Il ne faut pas chercher à se casser la tête, jusqu'au point d'expliquer la main par la puissance. Parce que l'islam, le dogme, il est simple. Allah, il a dit, il est au-dessus. Pourquoi on cherche à se casser la tête? Il ne doit pas être ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une substance, ce n'est pas une chose qui a lien à la substance, ce n'est pas Jawar, ce n'est pas Arad, parce qu'un kefir, un associateur. Sans recourir à comment, sans chercher qu'il y ait de ressemblance avec ses créatures. C'est clair. Allah, il a deux mains. Il a dit qu'il a deux mains. On ne doit pas nier ses deux mains et passer et dire, expliquer ça par la puissance. Pour qu'on se retourne contre le texte et on l'annule. Hein? Il est au-dessus. C'est clair. Notre dogme, il est clair. Mais qu'est-ce qui a compliqué les choses? Qu'est-ce qui est compliqué? C'est les sectes qui sont venus après. C'est les sectes qui sont les gens qui n'ont pas eu de science ou qu'Allah a dévié leur cœur, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il teste, comme il teste avec les gens, avec les patients, il les teste avec les choses de la vie, ils sont attirés, et puis Shaitan aussi, il embellit les choses, et il les teste dans le Coran aussi. Parce qu'il dit, est-ce que vous allez suivre le Coran, est-ce que vous allez expliquer les versets du Coran comme l'ont expliqué les compagnons, ou est-ce que vous allez dévier, hein? وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا tout appartient à الله سبحانه وتعالى. الله s'est attribué ses attributs, il lui appartient, c'est lui le plus connaisseur, le plus véridique, le plus éloquent. Et c'est lui qui connaît ses créatures, miséricordieux envers ses créatures, il connaît le cerveau de ses créatures, jusqu'à quel point ils peuvent réfléchir, jusqu'à quel point ils peuvent méditer, il nous rapproche les choses. C'est très simple. Il a dit au-dessus du trône. On ne cherche pas à se casser la tête et à chercher des ambiguïtés, et chercher des choses à compliquer jusqu'à ce qu'on dévie de la voie qu'a tracée le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sirat Allah, sirat al-mustaqim. Wa anna hadha sirati mustaqiman. Fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul. Fatafarraqa bikum an sabili. Zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il teste même avec les versets coraniques. Allah, s'il aurait voulu, il aurait fait le Coran entier sans qu'il y ait des versets qui peuvent être prises comme ressemblance. Allah, il a voulu qu'il y ait des choses qui sont fermes, muhkamat et mutashabih. Pourquoi? Pour tester ces créatures. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre, sans équivoque, et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Les gens donc qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant à la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah, mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent, nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. C'est un verset qui est assez fort, j'ai pas osé rentrer dans l'explication parce qu'il est à double tranchant et il est fort. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on peut en tirer, qu'Allah il teste. Il a fait des versets sans équivoque et des versets qui peuvent être sujets à des ressemblances. Et Allah, pourquoi? Pour qu'il teste les gens qui vont suivre les compagnons, qui vont suivre notre salaf, et les gens qui vont dévier et qui vont refuser le salaf, et ils vont recourir à des métaphores, à des ambiguïtés, et en extrapolant des choses, des théories. Qui vient de la philosophie grecque et les extrapole sur le dogme d'Allah, voire même sur les attributs d'Allah lui-même. D'accord. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il teste. Donc je me contente, je ne vais pas ajouter, parce que ce sujet-là, il est assez fort. Je crois que c'est le plus dur cours qu'on a fait depuis le début. Ma'iyat Allah subhanahu wa ta'ala. Depuis le début. Il y en a quand on rentre, inshallah, dans le qadar ou le qadar, c'est assez fort, mais je me contente de ça. Vous essayez de réviser ce que j'ai fait et après vous me donnez des questions. Je sais qu'il y aura beaucoup de questions là-dessus. Wa subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Billahi ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi wa kafa. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، يسر إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم المصحف الكامل للشيخ عبد الودود مقبول حنيف، والذي يعمل محاضرا بجامعة أم القرى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.